Il se pourrait bien aimer que nous ayons fait des choses qui n'ont pas glorifié le nom de notre Seigneur. Il se pourrait que nous ayons fait des choses qui aient attristé son esprit qui habite en nous. Nous avons prié que le Seigneur nous pardonne pour toutes choses que nous avons faites qui ne vont pas glorifier au nom de Jésus-Christ de Christ. Éternel mon Dieu, tout ce que nous devons de toi, le voici au Dieu, par le Père et le Père et le Seigneur, pardonne-nous, ô Dieu de gloire, pour toutes nos responsabilités que nous avons pris des hommes et des hommes. Pardonne-nous, ô Dieu de gloire, pour toutes ces noms qui se trouvent en nous qui ne te glorifient pas. Seigneur, la folle estime de soi permet de supplier de nous pardonner. Tous les germes, ô Dieu de gloire, de l'idolâtrie. Seigneur, tous les germes de l'idolâtrie qui puissent se trouver en nous, Seigneur. Nous te supplions de nous pardonner, Seigneur. Nous font que l'idolâtrie que nous avons faite, Seigneur, sans nous avoir encore, et même consciemment, et même inconsciemment, Seigneur. Papa, nous te supplions de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les séances, ô Dieu de gloire. Seigneur, tout acte, Seigneur, qui nous glorifie pas. Seigneur, les pensées obscènes, Seigneur, qui viennent inonder notre cœur, nous te supplions. Seigneur, pardonne-nous, ô Dieu de gloire, pour chaque fois que nous avons menti, que nous avons dit des choses qui n'étaient pas justes. Dis des choses qui n'étaient pas exactes. Papa, nous te supplions de nous pardonner, Père. Nous te supplions de nous pardonner, ô Dieu de gloire. Toutefois que nous avons forniqué, ô Dieu de gloire. Toutefois que nous avons commis un acte d'adultère en pensée, ô Dieu de gloire. Seigneur, et même en parole. Seigneur, et même en pratique. Seigneur, prosterné au devant de toi. Nous te supplions de nous pardonner, Père. Nous te supplions de nous pardonner, Seigneur Jésus. Père, nous te supplions de nous pardonner chaque fois que nous avons marché dans l'humilité. Seigneur, chaque fois que nous avons une haute estime de nous-mêmes, Père, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Nous t'implorons, Seigneur. Par nous-mêmes, ô Dieu de gloire, nous avons essayé, nous n'avons pas pu. Seigneur, nous te supplions de nous pardonner. Seigneur, brise, ô Dieu de gloire, une fois de plus. Seigneur, ces alliances qui nous mettaient captifs. Seigneur, de ces choses qui ne te glorifient pas. Brise-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te supplie au nom de Jésus-Christ. Brise en nous, Seigneur, toutes choses qui ne te glorifient pas. Seigneur, éloigne de nous, Seigneur. Donne-nous de nous éloigner, Seigneur, vers ce qui ne te glorifie pas. De nous éloigner de ce qui ne te glorifie pas, Seigneur Jésus. Papa, nous te supplions au nom de Jésus. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, vers qui d'autre irons-nous? Tu es notre Père, Seigneur. Papa, ordonne-nous toute forme de colère. Papa, la colère qui habite nos cœurs, Seigneur. Enlève-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te supplions, notre Dieu, notre roi. Papa, enlève-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-nous chaque fois que nous avons calomnié, Seigneur. Pardonne-nous chaque fois que nous avons murmuré contre notre frère, contre notre soeur, ou contre quiconque, Seigneur. Ô Dieu de gloire, pardonne. Pardonne-nous, notre Dieu, notre roi. Seigneur, de qui d'autre nous perdons. Tu as dit que lorsque nous sommes dans la détresse, Père, que nous venons à terre. Que nous t'implorons, Père. Nous voici au devant de toi, tes genoux fléchis, Père. Ô Dieu de gloire, remontant à toi chacune de nos requêtes, Père, nous te supplions. Exauce-nous, ô Dieu de gloire. Exauce-nous, roi des gloires. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons davantage prier, frère. Nous allons prier que le Seigneur nous donne d'être assez patient pour attendre sa volonté. D'être assez patient pour marcher selon les voies, selon la révélation de sa parole, selon la connaissance que nous avons de sa parole au nom de Jésus-Christ. Nous voici encore une fois, Père, Seigneur. Mais accorde-nous, ô Dieu de gloire, de savoir nous attendre à toi. Mais de savoir nous attendre à toi, Seigneur. De savoir nous compter là-dessus, toi, Seigneur. Papa, que seul ta volonté, ô Dieu de gloire, puisse maintenant. Et que nous sachions attendre ta volonté, Seigneur. Papa, donne-nous ce cœur patient. Donne-nous ce cœur patient, Seigneur. Qui sait attendre ta volonté. Et qui sait se lever, ô Dieu de gloire, lorsque tu as parlé. Seigneur, qui attend que tu ordonnes et disposes toutes choses, Seigneur. Et que supplions, Seigneur Jésus-Christ, Dispose nos cœurs. Que ce fruit de l'esprit, Seigneur, la patience pour Dieu nous doit soit plus haut. Nous te supplions, Père, que nous sachions attendre de toi. Que nous sachions attendre ta volonté, Seigneur. Nous te supplions, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons davantage prier. Que le Seigneur nous donne véritablement de nous taire, de taire nos raisonnements, de taire nos pensées, de nous soumettre à sa parole. Que nous puissions véritablement avoir des cœurs qui fléchissent devant sa parole, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que les pensées soient captives. Seigneur, tu inclines les cœurs des rois, Seigneur, comme nous pouvons tout. Oh, Dieu de gloire, voici nous devant toi. Voici, voilà toute l'église de gloire qui passe. Voici toi, l'église de gloire qui va quitter. Seigneur, que tu nous vois avant les jours de gloire. Que nos cœurs fléchissent, Seigneur, comme nous le faisons. Et que nous reconnaissions que tu es saint là, Seigneur. Que toute forme de dispersion au nom de la parole soit ôtée. Seigneur, que nous sommes soumis à ta parole. Que nous sommes confiants de notre bon Père. Que seule ta parole soit notre parole. Ô Majesté, Seigneur, pour le retour de mon Dieu. C'est toi, ma manière, Seigneur, Jésus. C'est toi, mon Dieu. C'est toi qui es la lumière, qui éclaire la santé, Seigneur. Papa, donne-moi, ô Dieu de gloire, que cette parole soit véritablement manifestée dans ma vie. Seigneur, que mes raisonnements se taisent, ô Dieu. Que mes raisonnements se taisent, Père. Et que seule ta parole soit pour qui, le Seigneur. Je te supplie, Seigneur Jésus. Brise en moi tout raisonnement qui puisse m'empêcher, Seigneur, de marcher jusqu'à toi. Qui m'empêche de te recevoir dans mon cœur, Seigneur. Brise le Seigneur Jésus. Amen. Que la grâce, la paix, l'amour et la communion de notre Seigneur vous soient multipliés. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Saluez-vous autour de vous les uns les autres. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Demandez à votre frère autour de vous comment vous allez. D'accord? Allez les enfants, ça va? Asseyez-vous. Ça va mon frère? C'est à toi, j'avais dit ici, un de ces jours, que les langues extérieures sont à l'intérieur, c'est ça? Qu'est-ce que tu es rentré, qu'est-ce que tu en as fait?

on peut avancer maintenant. Toi, il y avait une fois, il y avait parlé ici des visions, c'est ça? Depuis là, tu as réfléchi sur ce que ça, il t'avait dit. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment? Quelle est cette femme ici qui prie pour toi? Qui est cette femme qui prie pour toi? C'est toi qui étais assis ici un de ces jours, et un de ces jours encore ici. J'ai parlé à deux reprises par rapport aux visions qui te viennent autour de toi, n'est-ce pas? Tu n'as pas compris ce qu'il disait jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as pas toujours compris. Attends, tu as peur de moi? Ou bien je m'en vais? Hein? Tu as peur de moi? Bon, je dis, quelle est cette femme qui te met la main dessus? Elle parle. Avec les yeux fermés, elle fait comme ça, comme je t'en ai fait. Non? C'est qui ça? Comment? Oui, c'est qu'il y avait une femme. Non, dis-moi, il dit quelle est cette femme-ci qui a mis la maison, elle a des prix. C'est la prière, c'est comme si c'est un endroit où il y a un prix. Et puis elle fait comme ça, elle ferme les yeux, elle fait comme ça, comme ça, elle le fait. Tu as vu comment elle fait mes yeux? En parlant, elle parle. À un moment donné, elle parle fort. C'est qui? Hein, mon garçon, on t'a amené où? C'est qui? Une femme. Elle fait quoi? Quand elle prie sur toi, elle a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Regarde ce que tu as vu ce qu'elle fait. La tête s'est levée comme ça. Et puis ses yeux sont fermés. Lorsque la tête a fait ce geste que j'ai fait comme ça, elle a parlé quelque chose te concernant. J'étais avec toi. Restez comme ça, on vous ouvre les trucs là-bas. Bon, maintenant on peut commencer. Y a-t-il des questions? Que Dieu vous bénisse. Ça me surprend seulement quand on vient vers vous, on vous dit des choses. Oui, moi, tu voulais parler? Des questions? Si tu n'as pas de questions, on entre dans les Saintes Écritures, on voit ce qu'on a. Maman Doumbé, ça va? Viens. Mais la dernière fois, nous avons parlé de quoi? C'était des baptêmes ou de quoi? C'est ça? De délivrance. Il y en aura, d'accord? Il y en aura. S'il n'y a pas de questions, dans les Écritures, on voit un sujet. Puisse le Seigneur préserver ceux qui semblent d'arriver encore. Oui, mon cher. Je vais poser une question dans Habakkuk. Habakkuk, oui. Où on parle de l'alliance que Dieu a tissé avec les filles. Oui. La question que je voulais poser, c'est parce que quand j'ai essayé de fouiller un peu. Je suis sûr que c'est dans Habakkuk que ça se trouve. Hein, mon frère, c'est dans le livre de Malachi, chapitre 2, d'accord? Allons-y, pose la question. Bon, la question que je voulais poser, c'est, je ne comprends pas très bien, parce que dans la Bible, les personnes avec qui Dieu a traité l'alliance, c'est que les petits fils de Lévi, à qui on a donné le sacerdoce. Oui. Mais maintenant, dans ce Malachi-là, le Seigneur dit qu'il a tissé une alliance avec Lévi. Bon, la question que je pose, donc, c'est... Lévi, c'est qui? Lévi, c'est un descendant de Jacob. Tu es? Un fils de Jacob. Allons dans le livre d'Ésaïe, Genèse chapitre 49. Rapidement, comme ça on continue le travail. On y va. Chapitre 49 de Genèse. Regardez à partir du verset 5. Siméon et. Allons-y. Son frère. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Verset 7. Dieu dit ici, souvenez-vous, c'est le Saint-Esprit qui vient de parler. Il dit que son âme n'entre point dans leur conciliabule. Il explique le pourquoi. Il dit que car dans leur colère, ils ont fait quoi? Mais subitement, au verset 7, le Saint-Esprit traite directement contre ce qui les dérange. Vous avez cela? Il dit quoi? Il n'a pas dit maudit soit Simeon et Lévi. Il n'a pas dit maudit soit Simeon et Lévi. Il a dit maudit soit leur colère. Il résout le problème que Lévi et Simeon ont. D'accord? Quand elle a résolu le problème, il prophétise. Maudit soit leur colère, car elle est violente. Et leur furie, car elle est cruelle. Écoutez bien. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Tu as vu cela? Voilà ce que le prophète a dit en Genèse chapitre 49 concernant Lévi. Maintenant, Dieu vient dans l'alliance. Il dit que même moi, je n'ai pas Lévi pour mon héritage. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit qu'il n'avait pas fait l'alliance avec toi? Non, je dis personnellement avec Lévi. Quand il parle de Lévi, qui t'a dit qu'il parle personnellement avec le Père? Ici, elle en est parlé de qui? Dans Malachie, on parle de... Non, ici, dans Genèse, qu'on vient de lire là, il parle de qui? On parle de Lévi. Et quand il dit que je les séparerai dans Israël, il parle de qui? Voilà. Et quel est ton problème maintenant? Parce que la question que je pose, c'est, il dit qu'il a tissé une alliance avec Lévi, qu'il a marché dans la vérité avec Lévi. Ce peuple-là, c'est lui qu'on a déjà appelé Lévi. Il ne parle pas de cet homme, c'est qu'on appelle Lévi. Parce que ici, là, il dit, je les disperserai, je les séparerai de Jacob. Alors, de Jacob, plus tard, même Lévi là est encore vivant. Alors, dans ce cas, comment il parle de lui dans le futur? Donc, quand il parle de mon alliance dans ce livre de Malachie chapitre 2, il dit que mon alliance avec lui était une alliance de paix. Je lui ai donné pour qu'il enseigne au peuple, ainsi de suite. Il était fidèle dans cette alliance-là. Quand il dit cela, il ne parle pas de son père, il parle de Lévi. D'accord? Voilà, des questions? S'il n'y a pas de questions, on commence. On peut commencer alors. Et si on commence, on ne pose pas de questions. Prenez le psaume 68. Merci, Père. Merci, Père. Le psaume 68. Je vous pose une question avant que nous, pendant que vous allez ouvrir cela. Savez-vous que à plusieurs reprises, par notre comportement, nous avons insulté le Seigneur? Direct, un comportement direct, une insulte directe vis-à-vis de lui. Ça, savez-vous cela? Vous savez que vous n'avez pas besoin de dire à Dieu que je ne veux pas de toi. Pour ça signifie que vous allez dire à Dieu que ça ne, vous ne voulez pas de lui. Vous savez ça, n'est-ce pas? Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous feriez si vous vous levez une cette nuit ici pour aller pisser? En traversant la fenêtre, vous voyez quelqu'un avec la tête qui vous regarde avec les yeux rouges. Il vous regarde en faisant avec les canines. Vous allez, il ne parle pas dans le rêve. Parce que dans le rêve, déjà, on vous inoptise. Il dit physiquement. Ça, cette fois-ci, il dit physiquement. Vous sortez pour aller uriner. Vous traversez le couloir comme ça, vous voyez un géant là qui n'a pas de pieds ou bien la tête. Il vous regarde avec les yeux rouges comme ça. Vous allez me faire pisser là-bas, non? Hein, frère? Mais vous allez dire que non, c'est quand ça sera sur place qu'il va refuser ce qu'il veut faire. Il pose la question. Normalement, vous feriez quoi? Vous criez que au secours Jésus, n'est-ce pas? C'est ça, frère? Quand vous criez au secours Jésus, maintenant, vous criez même peut-être avec la peur, avec les cheveux qui sont dressés haut. Quand vous faites ça, vous criez à haute voix. Vous appelez qui? Vous êtes sûr qu'il viendra? Si vous criez avec le Jésus, il a dit que est-ce qu'il prononce encore ce que tu dis la voix? Tu vas me sentir ici. Vous faites quoi? Il voulait dire, quelle est l'assurance que vous avez que si vous l'appelez, il vient? Notez Malachie chapitre 3. Vous avez noté le psaume 68, n'est-ce pas? Mm-hmm. le signe que vous croyez vraiment en Dieu dans votre relation personnelle n'est pas dans le moment de calme. Le vrai signe, pour que vous sachiez qu'il est palpable, c'est dans les moments de trouble. C'est dans des moments de trouble, des grandes tribulations, des grandes persécutions, des grands moments de décision cruciale. C'est dans ce moment-là que vous pouvez tester véritablement votre foi en lui. Tout comme votre amour pour lui, vous pouvez savoir si vous l'aimez en regardant les êtres qu'il a créés. Vous pouvez tester votre amour vis-à-vis du Seigneur. C'est-à-dire, vous voulez savoir si vous aimez le Seigneur. Ok. 1 Jean chapitre 5, verset 1 dit que nous savons que l'amour de Dieu et l'amour de Dieu triomphe. Celui qui a cru en Dieu, c'est celui-là qui a vaincu le monde. Celui qui a touché le monde, c'est celui qui croit que Jésus est fils de Dieu. Nous savons que son commandement n'est pas pénible. Nous aimons Dieu aussi. Ah, oui, c'est bon. Mais le problème, c'est ceci. Pour que tu saches de façon claire que tu aimes le Seigneur, observe d'abord autour de toi si tu aimes ton prochain. C'est déjà le signe ici. Parce qu'il a dit, comment tu peux dire que tu aimes quelqu'un que tu ne vois pas? Alors que tu n'aimes pas celui qui est né de lui. Nous savons que nous aimons Dieu lorsque nous aimons ceux qui sont nés de lui. Donc ici, la Bible nous met clairement que vous pouvez savoir si vous aimez le Seigneur. Aimer le Seigneur, ça ne veut pas dire que vous restez quelque part, on se réunit comme ça, on peut dire, oh Seigneur, je t'aime. C'est l'une des choses par rapport à la confession. Mais l'autre, le test, c'est cela. Donc je disais donc, tout comme vous pouvez tester et savoir si vous aimez le Seigneur en regardant si vous aimez ceux qui sont créés de lui, particulièrement ceux qui sont nés de lui. Quand vous regardez un chrétien, comment vous sentez? Si vous sentez de l'amertume, de la haine, de calomnie, de jalousie, vous parlez par-ci, par-là, vous n'aimez pas le Seigneur. Parce que vous faites comme ça contre le Seigneur. Et là, vous fermez les yeux, vous dites, Seigneur, je t'aime. C'est le mensonge. Ça, c'est l'hypocrisie. Donc, vous pouvez tester si vous l'aimez. De la même façon, vous dites que vous croyez en lui. Vous avez remarqué maintenant que je suis quitté sur l'amour. Il vient de toucher la foi. Parce que c'est les trois choses qui demeurent. L'espérance, la foi et l'amour là. Donc, ces trois-là. Il y a des manières de tester cela. D'accord? Pour l'amour, vous savez comment ça va si vous avez l'amour du Seigneur. Vérifiez si vous aimez les chrétiens. Vous ne l'aimez pas de façon circonstancielle. C'est-à-dire que si ces chrétiens vous donnent quelque chose, vous faites quelque chose, vous les aimez. C'est que ce n'est pas ça. C'est que ce sont ces choses-là que vous aimez. Quand il n'y aura pas ces choses, vous allez vous comporter comme les communs des mortels. Maintenant, voici la plus grave de toutes ces situations-ci. C'est que ce style d'amour dont je viens de parler, vous ne pouvez pas le faire si le Saint-Esprit ne répand pas ça sur votre cœur. La Bible parle de l'esprit de l'amour. Il faut que ça soit cela qui soit versé sur votre cœur pour que vous aimiez quelqu'un comme le Seigneur veut que vous l'aimez. Si ce n'est pas comme ça, vous pensez quand les francs-maçons donnent du travail au fils des francs-maçons et au David français, ils savent qu'ils sont de les noyer. Ils t'amènent en enfer en donnant que tu signes le pacte avec le diable. Mais sur le plan humain, il l'aime parce qu'il lui donne du travail. Vous voyez cela? S'il l'aimait, il devait pas livrer son âme à Satan. Il devait dire, mon fils, ne viens pas chercher le travail si c'est fort. Là où je me trouve, là, n'entre pas. Mais il devait te dire que non, entre. Chez nous, on cherche des membres. Parce que Satan l'a trompé. Recruté pour être évangéliste, pour livrer d'autres personnes chez lui. Vous me suivez, n'est-ce pas? Maintenant, donc le test de l'amour, c'est savoir identifier si Dieu aime les enfants du Seigneur. Voilà le test dont la Bible nous parle. D'accord? Et sur le plan pratique, dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 17, si vous prenez votre livre dans le verset 17 jusqu'au verset 22, la Bible déclare que petits enfants n'aiment point en parole, mais avec action et vérité. Puis il dit que, donc il prend un exemple, que si nous avons des choses de ce monde-ci et voyant notre frère dans le besoin et on lui ferme nos entrailles, il pose la question, comment l'amour de Dieu demeure? Vous voyez effectivement que l'amour doit demeurer, n'est-ce pas? Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en nous? Donc cet amour-là, vous pouvez tester si vous l'aimez. Maintenant, pour ce qui est donc de la foi, je crois que je vous ai donné aujourd'hui Psaume 68. Je vous ai donné ça, n'est-ce pas? Et Malachie 3. Et dans mon exemple dont je parlais tout à l'heure, là, vous voyez quelqu'un, vous sortez, vous arrivez quelque part, vous voyez une créature subitement comme ça qui est extraterrestre. Et puis, il est devant vous, il vous fixe comme ça là. Vous dites que vous avez foi en Dieu. Qu'est-ce que vous parlez, il ne bouge pas. Comment ça va? Parce que lui, il est physique. Comment vous devez savoir que celui-ci qui est Dieu est là? Comment? Ça, c'est le test de la foi. C'est pour ça qu'il disait donc que le test de la foi n'est pas quand les événements sont calmes dans vos vies. Pour savoir si vous avez la foi, c'est lorsqu'il y a les événements difficiles. Notez Hébreux chapitre 11. Tu crois que c'est ici que nous allons parler de la foi hybride? La section 68, notez les versets 20 à 23. Versets 20 à 23. Notez aussi Ésaïe 43. Les 5 premiers versets. Les 5 premiers versets. On y va. C'est dans des moments difficiles que vous pouvez regarder si l'écriture de votre foi sur le cœur est l'écriture selon les Saintes Écritures. Si ce qui est écrit sur votre cœur que vous confessez, c'est selon les Saintes Écritures. Si les événements sont calmes, vous savez, il y a une soeur, un couple que nous avons reçu à la maison, elle me dit, elle parle avec tout son sérieux. J'ai ri jusqu'à ce que je suis tombé, soulevé le pied. Elle dit, frère Junior, tu ne sais pas ce qui arrive sur les gens ici-là. Je dis, c'est quoi ma soeur? Elle dit, j'étais couché à la maison comme ça. Un chat est venu. Il m'a regardé comme ça, il y avait la chair d'épaule. J'ai pensé que le frère Junior enseignait qu'on n'utilise pas le sang. Vous savez ce qu'elle a dit, frère? Elle dit que j'ai envoyé les flèches du Saint-Esprit. Elle parle avec le plus sérieux. Elle dit que non, elle s'est souvenue que dans l'enseignement, voilà le chat devant elle physiquement. Elle sait que ce n'est pas un chat normal. Elle voit le chat, le guette comme ça là. Les frissons du parcours, le corps. Elle regarde, elle dit, comment il veut faire? On a déjà dit qu'on n'utilise pas le sang. Donc le sang n'est pas disponible. Elle dit, maintenant les flèches du Saint-Esprit. Il t'envoie les flèches du Saint-Esprit. Le chat le regarde encore comme ça. Il dit, hey, les flèches. De là, quitter du feu à flèche. Maintenant, comme il n'y a pas le sang, il n'y a pas le feu, elle dit que c'est les flèches. Il dit, ma soeur, hey, entre temps, là, les flèches, là, tu as vu ça aussi où? Elle est restée tranquille. Il dit, mais ok, quand tu faisais ça, c'était pour faire quoi? Elle dit qu'il fallait quand même l'effrayer. Donc, il fallait quand même effrayer le chat. Maintenant, si c'est quelque chose de spirituel, on n'effraie pas les esprits. On doit manifester l'autorité dans le nom de Jésus. Et donc, si tu n'as pas foi en Jésus, c'est ça le vrai problème. Si tu n'as pas foi en Jésus, vous ne pouvez pas l'appeler, il vient sur la scène pour manifester cette autorité. Parce que souvenez-vous de ceci, l'autorité que Christ nous a donnée en son nom n'est pas intrinsèque, ça réside chez lui. Ce n'est pas l'autorité qui réside pour nous, que nous pouvons l'utiliser n'importe comment. Il vous a donné l'autorité, le commandement. Ce commandement veut dire ceci, quand vous l'appelez, il vient pour faire cette chose-là. Pas que vous avez quelque chose, le météo, si vous, que vous faites quelque chose avec, non. C'est l'autorité dans son nom qui fait fléchir les genoux. Maintenant, si vous ne croyez pas en Jésus, là maintenant, il faut. Ok. On a dit qu'on n'utilise pas le sang. Peut-être si j'envoie l'eau glacée, ou l'eau chaude, ça va le brûler. Il y a quand même l'eau de la piscine de Bethesda. Je verse l'eau sur tes yeux. Ça fait quoi au démon? Je sais pas si vous comprenez. Les démons n'habitent pas dans l'eau. Donc maintenant, voilà quelqu'un qui dit, ok, je lui ai envoyé les flèches. Et il dit, ok, tu faisais ça pour faire quoi? Il dit qu'il fallait quand même l'effrayer, parce qu'elle pouvait rester tranquille comme ça. Dans ces circonstances, vous ferez quoi pour vos frères? Parce que vous commandez une fois, il parle. Remarquez bien, la position de cette personne-ci, devant l'obstacle, elle cherche comment s'en sortir. Mais elle pense, dans le combat, elle pense, elle utilise le mauvais tool. Le mauvais outil. Cette histoire de français, là. Le mauvais outil, à ce moment-ci, en face de l'obstacle, qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que les Saintes Écritures disent? On invoque son nom. Voilà le vrai problème. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré de ces choses-là. Mais ok. Maintenant, la Bible pose la question, comment donc invoqueront-ils? Donc, je vous ai dit ici dès le départ que vous pouvez dire à Dieu que je ne crois pas en toi sans lui dire que je ne crois pas. Votre geste montre que vous ne croyez pas. Nous avons vu la correction de notre foi ici. C'est ça? Ok, maintenant, si vous dites, vous voyez un obstacle, vous dites, je te commande au nom de Jésus-Christ de quitter. Il ne quitte pas, vous faites quoi? Si vous changez maintenant, ok, je l'envoie plutôt le feu. Ça montre que ce que vous avez appelé, ça veut dire que le feu est plus grand que le nom de Jésus. C'est ça le problème. C'est-à-dire, vous dites, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors. S'il ne sort pas, à cet instant-là, parce que tu as dit une fois, s'il ne sort pas, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je t'envoie le feu du Saint-Esprit. Quand tu envoies le feu du Saint-Esprit, dont le feu du Saint-Esprit est au-dessus du nom de Jésus, la Bible, elle a dit qu'il a élevé ce nom au-dessus de tout nom, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Maintenant, ça ne va pas, tu utilises les flèches. Que j'envoie les flèches dans tes yeux. J'envoie les ténèbres sur tes yeux. Il est là dans les ténèbres. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, le psaume 68, regardons ce qu'il dit là-bas. Donc, nous allons voir le sujet, il est là. D'accord, mes soeurs et frères. Il est là, effectivement. Il est là. Quand vous dormez, il est là. Vous mangez, il est là. Vous marchez, il est là. Vous vous fâchez, il est là. Vous êtes content, il est là. Vous n'êtes pas content. Regarde, quelqu'un dit, il est là. Même si toi-même tu es absent, il est là. Psaume 68. Qu'est-ce qu'il dit dans ce verset 20 à 23? Regardez. Ah, Dieu de gloire. Regardez. Béni soit le Seigneur chaque jour. Vous avez vu ça? Soulignez chaque jour. Béni soit le Seigneur chaque jour. Ça peut être décalé chez vous. Ça peut être décalé chez vous au verset 19 ou bien au verset 21. Ça dépend de comment vous avez commencé. Comment on a commencé chez vous. Verset 20 donc, dans le psaume 68. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Donc, il est là. Quand on nous accable, je veux que vous prêtiez attention sur le « on » qui est mis là-bas. C'est pronom quoi? Indéfini. Définit les différentes catégories de choses qui peuvent t'accabler. Ce pronom indéfini définit les différentes détresses dans lesquelles tu peux être. Parce que le « on » là peut être tes problèmes. Le « on » là peut être n'importe quoi. Mais si ça vient pour t'accabler, c'est un « on » là-bas. N'est-ce pas, frère? Il dit « quand on nous accable, Dieu nous... » C'est-à-dire quoi? Ça veut dire, d'un côté... Vous êtes la cible des différents obstacles. De l'autre côté, quelqu'un s'en charge. Quelqu'un s'en occupe. Mais, des deux côtés, et d'où vient l'obstacle? Les traits enflammés, les tribulations, les persécutions, de là où ça vient. Et de celui qui va traiter avec cela, vous avez une position, un choix à faire, une décision à prendre, une attitude. Votre attitude compte. C'est parce que vous saisissez. La seule possibilité pour que vous vous ouvrez à la détresse de façon permanente, c'est d'être permanemment avec le Seigneur. Si vous êtes permanemment avec le Seigneur, vous êtes permanemment la cible des hommes. Je ne sais pas si vous me suivez. Si vous êtes en Christ, vous êtes des cibles à abattre. Donc, à cause de cela, à cause du nom de Jésus-Christ, on doit être persécuté. On doit subir les obstacles. On doit subir des choses qui vont nous accabler à cause de son nom. D'accord? Il a dit, si on fait ces choses-ci au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? D'accord? Maintenant, de l'autre côté, Dieu nous dit par là, dans ce verset 26, la première partie, béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu vient de dire que le combat n'est pas tien. C'est-à-dire, laisser ça entre les mains du Seigneur. Ça veut dire quoi? Laisser ça entre les mains du Seigneur. Mais il y a une façon de laisser entre ses mains. C'est de se reposer sur lui. Il y a une façon de laisser tes combats entre ses mains. C'est lui faire totalement confiance, s'abandonner entre ses mains. C'est un autre problème ici, s'abandonner entre les mains du Seigneur. Lui faire absolument, totalement quoi? Confiance. Lui fait totalement quoi, Daniel? On lui fait totalement confiance. Dis confiance. Confiance. Voilà. Comme Daniel dans la fosse au lion. Donc, il faut faire totalement confiance. Regardez la sérénité, justement, parlant de Daniel. Regardez sa sérénité. Regardez la sérénité de ces trois jeunes gens, Abednego, Shadrach et Meshach. débattre les corrompre de tous ceux qui sont là pour les accabler, accablés par les accusations, accablés par la soif afin qu'ils adorent de faux dieux. Mais ils étaient calmes. Oh, roi, vie éternellement, nous ne te répondrons pas dessus, car notre Dieu est capable de nous délivrer de tes mains. Et même s'il ne nous délivre pas, nous n'adorons pas ces statues. Fin de citation. Et c'était réglé. Alors je dis, béni soit le Seigneur. Dans ce psaume 68, verset 20, la partie A6, il dit béni soit le Seigneur chaque jour. Chaque jour. Donc il est là. Il dit quand on nous accable, Dieu nous délivre. Donc Dieu s'en charge de tout ce dont on nous accable. Ça veut dire, Dieu vient de nous dire par cette phrase-ci et par ce mot, et c'est plein dans la Bible que nos détresses sont entre ses mains et sous son contrôle. Nos détresses sont entre ses mains et sous son contrôle. Prenez le temps dans la Bible, vous allez voir ces choses-là. Abraham, lui, quand il a été appelé, sa détresse, ce qui l'occupait principalement, était quoi, frère? Dans son nourriture. Quand Dieu vient lui rendre visite, il lui parle. Dieu fait état de cela. Il veut dire la détresse sous contrôle. Il suffit qu'il parle, les choses changent. Donc ça dit que ça ne coûte rien de parler. La parole est avec lui. Quand il envoie sa parole, ça court avec vitesse. N'est-ce pas? La Bible déclare que l'exécuteur de sa parole est puissant. Maintenant, béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Il te délivre de quoi? De ceux dont on va t'accabler. Mais quelle est la situation pour qu'il délivre? Il faut se reposer sur lui. Il faut le prendre pour appui. Notez le psaume 46. Merci, Père. Le psaume 46. Nous allons parcourir cela, Dieu voulant, tout à l'heure. Lorsqu'on nous accable, il nous délivre. Nous sommes encore verset 20. Donc, par ces phrases, par ces mots, Dieu nous montre que le combat n'est pas notre. D'accord? Vous vous souvenez ici, nous avons parlé d'Éphésiens chapitre 6, verset 11. Pourquoi revêtez-vous de toutes les armes de Dieu? Puis il dit, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominats. Comment tu vas aller lutter contre une dominat avec une flèche? Même si vous avez ça, mais vous lancez, ça va le toucher, frère. À une guerre bien déterminée, Dieu a des stratégies différentes. Si vous regardez l'histoire de la Bible, même l'histoire de la guerre physique, les tactiques n'étaient pas identiques avec le Seigneur. C'est pas ce que c'est ici. À d'autres, vous ne pouvez pas aller dire à Israël maintenant, quand tu vas combattre maintenant, prendre des sacrificateurs, vous allez faire 7 tours de ce mur. Parce que le mur que vous avez fait 7 tours, c'est un peu le même mur que vous avez aujourd'hui là. Tu vas marcher dans un pays pendant combien de jours? C'est pas ce que c'est ici. Dieu donne l'ordre que fais comme ça. David, monte pas ici. Fais comme ça. Chaque fois, Dieu veut faire quoi? Guider nos pas. Guide nos pas. Donc nous devrons lui faire confiance. Faire confiance au point où s'il arrive que une situation donnée qui nous accable veut même nous prendre, nous disons tout simplement comme il a dit, je sais que mon rédempteur est, il se lèvera et il parlera en ma faveur. Celui-ci avait confiance en Dieu, le prophète Job. Il avait totalement confiance en Dieu que, au fur et à mesure, mais regardez très attentivement, premier jour des frappes, des mots qu'il accablait dans sa vie, il a glorifié Dieu. Pas vrai? Plus il glorifiait Dieu, plus de l'autre côté, celui qui l'accable augmentait d'intensité. Et il augmentait d'intensité, il ne changeait pas sa confession. Parce que ce qu'il confessait et ce qu'il croyait était un. Il ne confessait pas par intelligence en disant que j'ai entendu que le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham avait fait telle chose. Il ne dit pas cela. Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle, mais il n'a pas encore vu. Mais il sait qu'il est vivant. Parce que la seule réflexion du monde, comme ne vous regardez pas comme les scientifiques font le voyage astro, enfin, voyage astronomique, ils disent qu'on cherche principale chose sur ce, ils cherchent à savoir s'il y a des vies sur la terre, sur d'autres styles de vie. N'est-ce pas, frère? Dépense des milliards, passe des temps jusqu'à ce qu'un père, elle, au laboratoire, ne peut pas s'occuper de ses enfants, ses cheveux deviennent blancs. Vous les voyez en conférence, ils sont vieux, ils arrivent comme ça. La question qu'ils sont allés chercher, c'est y a-t-il d'autres vies sur la terre? Non, pas sur la terre, ailleurs. Mais la Bible dit oui, ici, ça dit oui. Il suffit de lire la Bible, je vous donne le verset maintenant, vous lisez, ils arrêtent leur recherche scientifique. Maintenant, pour qui maintenant, il faut qu'ils viennent nous demander maintenant que quel style de vie, on le dit encore là où c'est écrit, que voici les styles de vie qui sont. Ils envoient les sondes, et regarde, on a découvert les exoplanètes. Les exoplanètes dans les galaxies, nous on a la 4000e exoplanète. Ils vont finir, maintenant écoutez ici, ils vont finir par avoir un message qui sera communiqué par les planètes. Et ce message est désastreux, parce que ce message est contenu dans la Bible. Quand ils vont avoir, et souvenez-vous aussi, je ne suis pas sur la terre, donnez-leur l'enregistrement. Quand ils vont finir par avoir un message venant de l'au-delà, le message sera codé au point où ils vont chercher à savoir comment, que veut dire le message. Le message, ça veut dire tout simplement ceci. Préparez-vous à la destruction. C'est le message qu'ils vont recevoir. Quand ils vont savoir que cela habite, ils vont leur envoyer le message de destruction, mais codé en leur langage, dont le principal but maintenant sur la terre, ce sera de comment on va faire, qu'est-ce qu'on a envie de leur dire. Mais, surtout quand ils vont décoder et comprendre ça, bam, la ruine viendra. Dans ces 168 que nous sommes dans le lit, c'est écrit là-bas, les êtres qui habitent là-bas. Vous voulez voir, frère? Mais vous avez les amis scientifiques comme le papa Tani. Vous savez qu'il y a les exochimistes, les exosciences, c'est-à-dire qui utilisent des autres sciences, les sciences des autres planètes. Ils n'ont pas encore fini la science ici. Ils n'ont pas encore fini la chimie, c'est la chimie planétaire, interplanétaire. Continuez toujours comme ça. Dieu a émis les choses ici dedans. Il nous a donné une petite terre. Contentez-vous de cela. On dit que l'homme ne connaît pas son propre cœur. Il va aller regarder l'univers qu'il ne connaît pas. Continuez comme ça. Ici, dans 668, vous voulez voir ça, frère? Bienvenue dans ce moment. Vous regardez, faites-y un détour, tout simplement. Nous allons lire la partie. Vraiment, la Bible, c'est là. Ok, maintenant, regardez. La partie, c'est du verset 7. Nous sommes dans 168. C'est pas là où j'en ai lu depuis. 68. Allez. La partie C du verset 7 dit quoi? 1, 2, 3, on y va? À haute voix. Alors, qui habite les lieux arides? Donc, tous les lieux qui sont arides, qui y habitent? Maintenant, quand ils vont venir, maintenant que les rebelles, c'est qui? On va leur expliquer qui sont ces rebelles. Fin de citation. C'est écrit dans les Saintes Écritures. Donc, ils continuent à chercher. Voilà. Revenons à notre sujet. Si vous faites confiance au Seigneur, vous allez lire sa Bible et comprendre son langage à lui. Donc, si vous voyez un scientifique dit qu'on cherche les espaces de vie, ne vous fatiguez pas. Les millions et des milliards qui dépensent sur les appareils, sur les navettes spatiales là-bas, ça pourrait finir pour pouvoir éradiquer la maladie dans les 5 coins, développer des routes. Mais ils peuvent déployer 5 milliards de dollars, 8 milliards dans Ariane 5. Apollo 4, qu'est-ce que la mission? On a vu une espèce de truc là-bas, c'est comme si c'était une vie. On n'en a pas besoin. Regardez la sonde spatiale. Vous avez voyagé, vous avez dépensé combien? Tout à l'heure, on a dépensé combien pour regarder? La Bible déclare donc que Dieu les a enchaînés là-dedans. Comme il les a enchaînés, il va les lâcher pour qu'ils fassent le message. C'est ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Ben, en tout cas, vous lisez, si vous ne nécessitez pas, c'est écrit là-dedans. Le message qu'ils vont donner pour la terre. Ils vont capter cela. Vous savez, Dieu l'a prophétisé même avec le doigt qu'il avait écrit quelque part sur le mur. Il fallait coder. Il fallait décoder ce qui était écrit là-bas. Ça va venir. Ils vont voir ça sur les appareils comme ça. Mais ça... Cette forme, c'est ce que ça veut dire. Mais souvenez-vous, l'interprétation de ces sigles-ci qu'ils vont découvrir, c'est préparez-vous à la destruction. Parce qu'ils vont descendre sur la terre, dit la Bible. Ok, continuons notre lecture. Alors, béni soit le Seigneur tout le jour, chaque jour. C'est-à-dire, il est là, constant. Il n'y a pas de jour où il est absent. C'est-à-dire, il est là. Il dit, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Ceci veut dire, celui qui est avec Dieu est en perpétuel moment de persécution. De l'autre côté, Dieu lui dit, par cette phrase-ci, reste calme, je suis avec toi. Reste calme, ce n'est pas ton combat. Reste calme, il te fait ça à cause de moi. C'est pour ça que je m'occupe de cela. Mais maintenant, pour qu'il puisse prendre le contrôle, comme on dit souvent que ma soeur, ça va, tu dis Dieu est au contrôle. Quand Dieu est au contrôle, pourquoi tu es sorti par la fenêtre? Supposons que vous êtes dans un bateau, ça en train de noyer. Et le Saint-Esprit dit, fortifie-toi, prends courage. Il ne perdra pas une seule vie. N'est-ce pas? Pendant qu'on a cherché les gilets pare-balles, tu as dit que cherchez-moi les gilets, préparez-moi. Vous regardez chaque fois là où il y a la direction gilet pare-balles. Comme ça, c'est fort. Vous prenez les gilets pare-balles. Vous appelez ça gilet de sauvetage. Comme ça, c'est fort. Tu portes ça pour mettre ça sur toi. Pas vrai? Mais pourtant, regardez l'apôtre Paul dans la détresse, dans les eaux. Les spécialistes de la mer, la mériologue était là. Plus de 200 dans le bateau, l'ange est venu vers lui. Prends courage, ça va s'échouer. Mais te donne la vie de tous ceux qui sont ici. Donc là, sur le bateau, ce n'est pas le capitaine qui contrôle le bateau. C'est le prisonnier. Le prisonnier le plus célèbre qui avait le contrôle du bateau. C'est-à-dire, dans ce moment de détresse, celui qui manipulait le bateau ne se trouvait pas au gouvernail. Il se trouvait dans la cachotte, dans les cachots du bateau. Celui qui donne l'ordre. Maintenant, le capitaine peut dire que dans l'école de formation à Rome, on a dit que si on est à 2 nœuds ou il y a 800 nœuds, il faut qu'on tourne comme ça à gauche. Cette direction-là, ce n'est pas la voix du Seigneur. Donc vous pouvez être spécialiste n'importe quoi, mais quand cette voix-là parle, c'est la direction-là qui est juste. L'apôtre Paul n'avait pas une spécialité dans la navigation. Mais ici, il dit qu'il faut qu'on échoue sur une île. Il faut qu'on échoue sur une île. La vision est donnée, ils doivent atterrir sur une île. Donc le Saint-Esprit a la direction pour toutes choses, pour toutes les détresses. N'est-ce pas, frère? Quand on nous accable, il nous délivre. Donc Dieu nous délivre. Mais il y a une chose, nous devons lui faire confiance. Quelle était l'attitude de l'apôtre Paul lorsque ce moment s'est passé? Alors que ce typhon-là fondait et frappait sur le bateau. Vroom, les vagues entre vous, les gens. Il dit que prenez courage, prenez de la nourriture manger. Donc, ça dit que quand les vagues sont de parler, il a de consoler les gens. Pourtant, ils sont dans le bateau. C'est sûr qu'un cousin a dit que reste là, peut-être tu es dans le noyer, puis tu veux seulement que l'eau nous amène ici. Alors, tu es spécialiste de la natation, tu es Michael Phelps. Tu peux entrer dans l'eau, là, commencer à nager. Dans ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi? Parce que Dieu avait dit dans Isaïe, chapitre 43, que vous avez noté, que si vous traversez les eaux, il sera avec toi. Ça ne peut pas te submerger. N'a-t-il pas traversé finalement? Donc, il a traversé les eaux. Les eaux ont fait le bruit. Mais ça ne l'a pas submergé parce que celui avec qui il servait, il lui faisait totalement confiance. N'est-ce pas, frère? Il a dit à Abednego, à Shadrach, Meshach, quand le Saint-Esprit a soufflé dans leur cœur, que tenez courage, prenez courage, je vais montrer ma gloire devant cette puissance. Alors ils sont tenus là. Ils ont dit, on ne doit pas adorer. On les a lancés dans le feu, nos frères. N'est-il pas entré dans le feu les chercher? Parce que là, c'est même Esaïe, il a dit que même si on vous met dans le feu, ça ne peut pas te vous brûler. Mais ce même feu, les gens même qui partaient les jeter sont morts, n'est-ce pas, frère? C'est quel style de feu? Comment est devenu leur corps? Ce n'est pas leur corps qui a été éprouvé, c'est leur foi. C'est leur foi qui a été éprouvée. C'est leur foi qui a été éprouvée et non leur corps. Parce que si c'est pour le feu brûle n'importe quoi qui entre dans la matière. Mais quand la foi domine sur ton être, tout ton corps et tout ton corps physique entre dans la dimension spirituelle. Et par conséquent, transcende le matériel. On avance. Verset 21 donc. Dieu est pour nous. Le Dieu. Le Dieu des délivrances. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Donc plusieurs styles de délivrance. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Écoutez ce qu'il dit. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. C'est vrai, frère? Ok. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de tous ceux qui vivent dans le péché. Subitement, il vient nous révéler que si tu veux lui faire confiance, il faut quitter le péché. Parce que c'est à cause de ces choses-là qu'il va commencer à frapper la tête des gens. Dans Ephésiens chapitre 2, il parle de ces choses-là, que nous vivons dans ces choses-là, quand nous avions aussi l'esprit quoi, de la rébellion. N'est-ce pas, frère et soeur? C'est ça, n'est-ce pas? Alors, il est là. Vous devriez savoir que ce n'est pas parce que vous récitez trop la Bible qu'il vient en votre secours. C'est tout simplement à cause de son amour pour nous. Qu'il préserve son nom qui est invoqué sur nous. Psaume 46. Regardez-le dans votre vie chaque jour. Vous saurez qu'il est là. Regardez-le, le psaume 46. Faites-lui confiance. Il y a des gens qui ont décidé que non, je ne crois plus en Dieu parce que cette telle chose leur est arrivée. Il peut accepter que l'accident vous brise. Mais si vous suivez bien cette voie, vous allez comprendre que Dieu ne fait absolument rien pour rien. Il peut décider que toute ta famille soit décimée, que vous mouriez par accident. Il peut décider comme ça. Que ce soit par un incendie, mais il préserve une personne. Parce que c'est lui qui a cherché que le cœur soit tout entier à lui. Vous dites, ces d'autres personnes-là étaient sans importance pour lui. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit dans Luc chapitre 13, verset 1 à 5, lorsqu'on est venu lui dire, ah, les Galiléens, les sacrificateurs sont venus vers lui. Il dit, Pilate a mélangé le sang des Galiléens qui offraient les sacrifices, a mélangé le sang avec le sacrifice. Jésus s'est tourné vers eux et il a dit, vous pensez que ces Galiléens-là, comme ils ont péri de la sorte là, ils étaient plus des pécheurs que les autres Galiléens. Il dit, je vous le dis, vous également. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Donc ceux qui étaient morts n'avaient pas trop de péchés, plus que ceux qui étaient vivants. Ce n'est pas parce qu'ils sont morts parce qu'ils ont trop de péchés. Ce n'est pas parce qu'ils méritaient mourir et que les autres qui vivaient, ce n'est pas parce qu'ils méritaient vivre. C'est Dieu qui fait miséricorde. Il dit, le verset 3 dit, Et vous pensez que les 18 personnes qui, sur lesquelles est tombée la tour de Siloué étaient aussi plus de grands pécheurs que tous les autres habitants de Jérusalem. Mais je vous le dis, si vous ne vous repentez pas tous également, vous périrez tous également. Donc, les 18 personnes ne méritaient pas mourir et les autres personnes qui ne sont pas mortes ne méritaient pas vivre. Mais Dieu qui fait grâce pour annoncer à ceux qui sont vivants que, ah, hey, regardez ici, le style de vie, ce n'est pas bon. Comme vous êtes en vie, changez de comportement. Le péché est la gangrène, effectivement, qui crée un rideau. Un rideau d'acier, de plomb, de diamant entre nous et Dieu. Le péché. Le péché. Le péché. Éloignez-vous du péché. Cherchez sa face et observez-le à l'œuvre. Si dans le péché même il nous préserve, à combien de fois raison si nous sommes dans sa présence, dans sa volonté parfaite. Alors quand vous êtes dans sa volonté parfaite, vérifiez encore autour de vous, vous avez fait au mieux de votre connaissance ce que sa parole dit. Vous avez une seule chose à faire, de rester calme. De rester calme. Quand vous allez rester calme, le trouble va commencer au-dedans, avec les messages que vous avez écoutés au-dehors. Vous allez commencer à entendre ce genre de message dans votre cœur. Tu es sûr qu'il existe. S'il existait, telle chose devait s'y arriver. Depuis que tu pries là, qu'est-ce qui a marché? Pourquoi tous tes compères qui vivent dans le péché, eux, ils réussissent? Regarde telle ou telle personne, ils ne vivent pas dans la sainte doctrine. Mais regarde comment leur vie est. On voit la gloire de Dieu sur eux. Ça, c'est ton évangile à l'intérieur maintenant. Là, maintenant, il va falloir maintenant que tu fasses confiance. Pour que cette voie-ci s'éteigne. Jusqu'à ça, c'était. Pour le Saint-Esprit dit, je suis celui qui suit. Psaume 46. Regardez quand l'esprit de prophétie va tomber sur les fils de Corée. Et on va nous suivre ce qu'on dit. Fils de Corée. Dieu est pour nous un refuge et un entouré, refuge et appui. Et prenez du temps pour y méditer. Ça veut dire qu'on va revenir et vous poser des questions. Je veux que vous preniez ce verset. Vous savez, maman a dit, elle a le psaume 52 encore. Donc quand elle finit, elle dit, comme je dis maintenant, allez méditer. C'est là maintenant, chercher maintenant le psaume là où c'est écrit. Maintenant, le mot refuge et appui, passez-y le temps. Parce que les gens prennent seulement le psaume. Vous voyez, quelqu'un me dit, frère Junior, où est le psaume lorsqu'on passe par des moments difficiles? C'est tout. C'est toute la parole de Dieu. Parce que la Bible parle dans Romains chapitre 15 de la consolation que donnent les Écritures. On a dit les Écritures donnent la consolation. Il dit que non, donne-moi spécifiquement. Non, là où on a dit que Dieu brise les têtes. Il les voit, Dieu brise les têtes. Ce n'est pas en criant sa foi que Dieu brise les têtes qu'il va briser les têtes. Parce qu'on a dit que lorsqu'on nous accable, il nous délivre. C'est parce que c'est. Avec cette Écriture, si vous pouvez avoir confiance que Christ est là. N'a-t-il pas dit, je suis avec vous tous les jours? Il a dit ça, frère. Dans ce cas, si nous savons qu'il est là, quel que soit ce que l'ennemi est en train de faire, vous restez seulement tranquille. Ne vous effrayez pas. Mais il va falloir que l'intérieur soit travaillé pour que vous arriviez à ce niveau-ci. Sinon, on va parler là, mon collègue. Seigneur, tu vois ce qu'il fait. C'est celui qui a même dit, vraiment, vous rentrez au miroir comme ça. On te dit, regarde comment tu es devenu. Depuis que tu as cru en Dieu, regarde tes jours. Toi que je connaissais que tu étais comme ça, quand tu rentres à la maison, tu regardes que vrai, c'est comme ça. Hein. Tu prends ta photo, tu regardes comme ça, que hey, vraiment je suis où? On t'a eu. Le salut extérieur, c'est-à-dire que le chargé d'un bon pont n'est pas un signe que vous appartenez à Dieu et que vous êtes bien avec lui. Ce que le monde appelle la gloire de Dieu, là, c'est pas ça que je veux dire. Ce n'est que le rayonnement, vous savez, quand la lumière brille sur un endroit, il y a le vitre. Où il y a le miroir, il y a une réflexion. Ce que vous voyez à l'extérieur, ce n'est que les réflexions de la gloire du monde sur la graisse qui est à l'intérieur de vous. Le signe de la gloire de Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas si cette possession, on a changé ma voiture, il y a une nouvelle maison, ça n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. Puisque cette chose-ci, les mondains l'ont mieux en donnant leur âme au diable. N'est-ce pas, frère? Ça veut dire que ce n'est pas ça le signe de la gloire de Dieu. Quand il dit à Abraham, marche devant moi, sois intègre. Cette parole-ci donne la direction à sa vie. Cette parole. Donc si Dieu vous parle, comme on a dit tout à l'heure dans le livre des jeunes, pour le cadre des jeunes là, ce sera la chose la plus glorieuse que vous avez. Parce qu'en réalité, si des troubles se passent et que vous avez la direction que Dieu veut, comme le cas de l'apôtre Paul dont je viens de citer dans Actes chapitre 28, quand il y a trouble, vous avez confiance en Dieu parce qu'il vous a dit quelque chose. Les autres n'ont pas cette confiance. C'est pour ça qu'ils peuvent crier à tous les sens pour chercher de l'aide. Et en criant pour chercher de l'aide, ils entrent dans le feu de l'action du trouble. Pourtant, Dieu vous a donné la direction. Maintenant, quelle est la probabilité que vous, pour qu'en courant dans une direction, vous compreniez que c'est ici qu'il y a le salut? Non. Quand Dieu dit, regardez dans le livre de Genèse, voici Abraham qui meurt, son fils Isaac reste tranquille. Il est à Guérar. Qu'est-ce qui se passe? Dieu appelle la famille sur la terre. Pas vrai, frère? Quand il appelle la famille, au moins là, ils n'ont pas de technologie pour savoir qu'à tel endroit il y a la famille, à tel endroit il n'y a pas la famille. À tel endroit il n'y a pas la terre, à tel endroit. Dieu, gardez-vous à l'esprit, Dieu a appelé la famille sur la terre. Il se propose d'aller en Égypte. Parce que l'Égypte est quand même près du Nil. On peut quand même prendre de l'eau là-bas pour irriguer, pour faire la, quoi, le champ. Pas vrai? Ça, c'est la science. Ça, c'est la recherche scientifique. Parce que dans telle ou telle zone, il n'y a pas l'eau. Là, les endroits sont secs. Alors quand c'est sec, on ne peut pas avoir l'eau. Donc normalement, il faut aller en Égypte parce que c'est en bordure de l'eau. On peut prendre l'eau. Pas vrai? On fait la canalisation pour envoyer l'eau dans les champs. Alors en Égypte. Le Saint-Esprit dit non. Ne va pas en Égypte. C'est ici que je vais te... Vous voyez que ça donne la direction. Vous voyez que ça donne la direction, frère? C'est ici qui donne la direction parce que Dieu a parlé. Ça veut dire que même si la famille n'importe où, la famille de... Quoi? Isaac vit au milieu de la famille, mais sa famille n'est pas identique. Parce que sa famille a une direction. Dieu le nourrit. Alors la Bible déclare que quelqu'un qui travaille chez Isaac, quand il partait creuser la terre, qu'est-ce qui s'est passé, frère? Hein? Il trouvait de l'eau. Maintenant, je veux que la science explique comment il y avait la sécheresse, il y avait l'eau là-bas, là, quand Isaac creusait. Donc, quand Isaac disait qu'il t'emploie chez moi, tu peux creuser, il y a l'eau. Si tu cherches de son travail, tu peux creuser, il n'y a plus l'eau. Comment? D'où venait cette eau-là quand. Donc, quand tu sors comme ça pour aller travailler, pour aller creuser, Dieu dit que celui-ci travaille où là? C'est Isaac, mon serviteur, à cause de lui. Quand tu mets, tiens, l'eau sort. Tu as des problèmes avec ton patron demain. Il dit que je travaille chez Isaac. Tu dis que je sais creuser, il y a l'eau. Dès que tu sors, tu creuses, il n'y a plus l'eau. Tu vous as dit qu'Isaac est sort. Sorcier, c'est pas la sorcellerie. Il écoute la voix et la direction que donne cette voix. Maintenant, si avec la science, comment tu peux faire au monde pour que de l'eau sorte? Alors, qu'est-ce qu'il dit ici encore? Dieu est pour nous un refuge et un appui. Donc, je veux que vous preniez ces deux mots, refuge et appui. Puis, méditez véritablement, profondément, sur ces deux passages-là par rapport à votre vie des fois. Vous dites, on a dit ici, Dieu est pour nous. Mettez-nous là avec toi-même. Dieu est pour moi un refuge. Est-ce que véritablement, bon, si je donne des exemples, vous allez commencer à comprendre la vision. Donc, vérifiez dans votre méditation si Dieu que vous invoquez est véritablement un refuge pour vous et un appui. Et selon vous, ça me dit, plaise au Seigneur, nous allons en parler ici. Verset, le volet 3 dit un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Soulignez secours et puis on va y méditer. Donc, il y a refuge, appui et secours. D'accord? Donc ici on dit trois choses dont il est. Qu'il est un refuge, il est un appui et il est un secours. Et on dit ici dans ce dernier volet, on dit que ce secours-ci ne manque quoi? Jamais. À quel moment? Dans la détresse. Ça veut dire quoi? On peut lui faire entièrement confiance. C'est-à-dire qu'il est là. Il est là. Vous me suivez, frère? Verset 3. C'est pourquoi, connaissant que 1. Refuge est rempli. 2. Appui est rempli. 3. Secours est rempli. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que des montagnes chancellent au cœur des mains. Ça veut dire que c'est à cause de ces trois phénomènes que nous connaissons de lui. C'est à cause de cela que même si n'importe quoi se passe sur la terre, nous sommes calmes. Nous sommes sans crainte. Même s'il y a des bouleversements sur la terre, même si la mer, les montagnes, c'est... En fait, même si... il veut dire que même si la terre vient à bouger, à secouer, ceux qui craignent l'Éternel véritablement ont de la plus faible. Ils ont un secours qui va les délivrer dans ces circonstances. Est-ce qu'on peut savoir véritablement? Est-ce que vous savez véritablement que celui qui vous invoque est là? Ou bien c'est par la littérature? Cette chose, ça doit se passer ici. Le point de contact, c'est ici. Le point de contact, c'est ici. Si celle-ci est là, vous n'allez pas consulter chaque fois les oracles pour dire je ne sais même pas si Dieu m'écoute. Là, cette parole, je ne sais pas si Dieu m'écoute, veut dire vous doutez de sa présence. Et ce n'est pas possible donc, que vous doutez de sa présence et qu'il y ait un obstacle, vous l'appelez et il vient sur la scène. C'est ce que j'allais dire depuis le début, que vous pouvez dire à Dieu je ne veux pas de toi sans le dire, mais par votre foi. Parce que vous avez en vous. Vous dites j'ai prié trois fois, il ne m'a pas répondu. Donc ça veut dire qu'il n'écoute pas. Pourtant, la Bible déclare que lorsque le juste crie, l'Éternel l'entend. Toi, tu dis que depuis que tu pries, il n'entend pas. Donc, ça veut dire que vous faites de lui un menteur. Il dit qu'il est délivré de toutes ses frayeurs. Le malheur atteint souvent le mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais quelqu'un dit que depuis 34 ans, je souffre. Il a dit toujours là, c'est 35 ans. Il a dit le toujours qu'il a là-bas, c'est 22 ans. Peut-être que ta part de toujours, c'est 45 ans. C'est-à-dire que c'est quand tu arrives à 45 ans de souffrance, qui va te délivrer. Mais c'est toujours non. Il n'a pas toujours délivré. Point quelqu'un dit, Dieu délivre toujours. Voilà. Alors la Bible déclare ici que Dieu est pour nous un refuge et un appui au temps de la détresse, n'est-ce pas? Un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Il dit que c'est pourquoi. C'est pourquoi. Nous sommes sans crainte. Nous sommes sans crainte. Donc il faut expérimenter Dieu. Vous n'avez pas besoin. Quelqu'un va vous poser la question. Depuis que tu parles de Dieu, tu l'as vu. Si vous avez vécu des espérances avec lui, vous devez savoir qui il est. Vous n'avez pas dit que non. Tu connais Dieu, il dit oui, il connaît vrai. Et Hébreu dit, quand tu dis Hébreu dit qu'il te regarde comme ça, puis regarde-moi, c'est là, le blanc, on tourne ta tête. Tu as fait la culture des blancs. Laisse-moi la Bible là. Écoutez bien. Lorsqu'il y a détresse, lorsqu'il y a besoin et que Dieu vous visite, il vous délivre de la détresse, il ne s'agit pas de la Bible d'Hébreu. Il ne s'agit pas ici de la culture des blancs. Il s'agit de Dieu faisant son œuvre au milieu des hommes. Donc c'est le Dieu des expériences. Vous devez l'expérimenter. Vous devez savoir que j'ai une relation avec lui. Vous dites, je le connais, je le connais. Vous dites, vous le connaissez Dieu, oui. Prouve. Il a donné son fils Jésus-Christ. Quelqu'un va te rire jusqu'au nez. Que non, il a donné son fils Jésus-Christ. Oui, j'ai entendu ça. À l'école primaire, on nous entendait ça. Quand j'ai fait l'école catholique, on nous a dit ça. Cherche encore. Tu l'as vu où? Il, mais la Bible dit que les flous, quand ça, c'est blancs qui sont venus de nous ici. Que Dieu Kenyatta disait qu'ils sont venus ici, là. Les blancs quand venus, les blancs venus, ils avaient la Bible, nous avons nos terres. Quand ils sont venus, ils ont fini de dire, maintenant ils ont fermé les yeux, ils ont pris nos terres, ils ont donné la Bible. Donc, vous allez faire quoi maintenant? À cet instant, il vous a cassé. Mais écoutez très attentivement ceci. Il y avait un homme qui était aveugle, né aveugle, dans Jean chapitre 9. Il s'est tenu là-bas. Tous les sacrifices que ses parents pouvaient faire, on avait nommé ancien d'église et autres, là, ils ont fait là-bas, célébré avec les palmes. On a donné même des diplômes de fin de formation de l'école publique. Docteur en théologie avec licence. Avec la licence. Maman se dit directement. Mais l'enfant était aveugle. Le jour où Jésus-Christ passait par là, quelqu'un dit il est là. Quand il était là, il s'est tenu là-bas, il a fait le truc, caché après une voix. Ça a amené les religieux à se poser des questions. Est-ce que tu es vraiment sûr que tu es le fils là même qui était aveugle? Il dit, mais vous êtes fou ou quoi? J'étais aveugle, je vois. Parents, viens. Si votre enfant est ici, ou bien ce n'est pas une ressemblance, ce n'est pas le sosie qu'on a vu en Banga, là, la femme qui est venue faire des choses comme ça. Elle dit, c'est notre fils. Okay, dis-nous comment elle était ouverte. Ah, la place des anciens d'église, là, c'est un problème. Vous voyez ça, anciens d'église. Si on tente de dire maintenant comme ça, notre honneur. Eh oh. Posez-vous la question, quand il parle, au moins sa bouche n'était pas fermée. Et il a trop grandi, il connaît bien. Il dit, quelqu'un ne va pas chez vous. Vous voyez effectivement que quelqu'un qui a l'espérance avec Dieu n'est pas là pour faire des manigances avec les religions. Vous avez subi quelque chose comme expérience. On ne peut pas vous convaincre le contraire de ne pas dire quand, de ne pas dire ce qui est passé. Quand l'apôtre Pierre, vous savez, on pouvait corrompre les gens qui sont les gardes du corps qui étaient gardés, qui étaient pour garder le corps de Jésus-Christ le jour de sa résurrection. Oh, il savait que quelque chose s'est passé. Vous voyez les militaires. Comme vous avez dit que ce sont les femmes qui ont vu Jésus-Christ la première fois que vous avez ressuscité, c'était les militaires. Ok. Donc, quand ça fait brrr, et que l'ange est descendu comme ça, majestueux, quand le corps, quand la pièce est roulée, on a arrêté de dire que, gars, on va tourmenter la galante du capitaine. Dis seulement que ces disciples sont venus voler. Donc, ça dit que vous êtes des militaires, vous avez les armes, les disciples sont venus. Pendant que vous dormez, portez le corps, roulez la pierre, parti devant l'armée, vous avez les armes. Parti. Il dit que si on vous demande pourquoi on va vous en tirer de la peine. Sur le plan physique, ils ont tiré de la peine, mais ils n'auront jamais d'excuses devant le Seigneur. Vous voyez ce qu'il en est? Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Quand ces choses s'est passée, Dieu s'est positionné au milieu des hommes. Quand les apôtres ont vu le Seigneur Jésus-Christ, toute la peur s'est envolée. On les a mis devant le Sanhédrin. Faites le jugement. On vous interdit de parler d'enseigner en ce nom-là. Vous blaguez ou quoi? Nous ne pouvons même pas vu ce que nous avons vu. Et donc quand tu as vu, tu as entendu, donc tu as expérimenté. Vous pouvez me dire le contraire. Alors, quand ils ont vu Jésus-Christ mort, vu déposé à la tombe, après être allé à la croix, vu ressuscité, manger avec lui, le voir traverser le mur, c'est ta chicotte là qui va lui faire quoi? Ta chicotte là va encore faire quoi? Quand on tape, la Bible déclare, explique qu'ils ne sont pas fâchés en envoyant le feu et les flèches. Ils sont rentrés, étant fiers d'être jugés dignes d'être outragés pour le nom du Seigneur. Pourquoi? Leur confiance maintenant était déterminée. Et quelqu'un qui a confiance en Dieu, lorsqu'il y a l'expérience avec le Seigneur, cette expérience-là, n'importe quel obstacle que vous voyez, ça le pousse davantage à Dieu. Donc faisons attention. Vous n'avez pas besoin de dire à Dieu, Seigneur, je ne veux plus de toi, de votre bouche comme ça. Votre action montre où vous vous en trouvez. Quand vous êtes dans la détresse, la Bible déclare, dans la détresse, j'ai invoqué le Seigneur. Dans votre détresse, vous faites quoi? Vous cherchez le bras de chair. Quand vous cherchez le bras de chair, vous dites que Dieu n'est pas... Dieu n'est pas... Non, Dieu... Il y a même quelqu'un qui m'a même dit physiquement, je dis non, c'est que j'aime Dieu, mais c'est qu'il tarde trop. Que Dieu tarde trop à me visiter. On invite depuis 25 ans, après-midi, à Aka. Comme c'est à moi qu'il a dit. L'autre était venu me voir. Frère Junior, il te dit, viens. Il dit, ok, je viens, c'est quoi? Il dit que je sais ce que tu vas me dire. Je veux divorcer, décider de divorcer. Il dit, mais dans ce cas, tu veux me consulter encore? Pourquoi? Il dit, parce que je sais bien ce que tu vas dire. Il dit, mais vas-y, divorce. Elle me dit clairement. Il dit, je suis assis là en salle. Que même si c'est Dieu lui-même qui descend sur son trône, tu as besoin de descendre sur son trône pour prononcer ton jugement. Que même si c'est Dieu qui descend sur son trône, je n'accepte pas ce qu'il dit. Il dit, mais si c'est Dieu qui descend sur son trône, il parle, tu n'entends pas. Moi qui vais parler, tu vas entendre quoi? Quand il a fini, je suis sorti du sujet, parler autre chose. Je suis allé accompagner les parties pour dire que c'est entre tes mains. Voilà les gens. Après le message, il dit que Père, pardonne nos manquements et nos voies des égarements. Toutes ces récitations ne serviront plus à rien. Vous êtes coupé de la source. Souvenez-vous de ceci, coupé. Il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. Des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. Souvenez-vous comment le roi s'est promené ce jour-là dans le temps. Il avait une belle construction comme ça là. Voilà toutes ces gloires, n'est-ce pas moi qui l'ai fait? N'est-ce pas moi qui l'ai fait? C'est ma force qui me l'a fait. Vous savez ce qui s'est passé, frère? Décret sorti. Bam! On a enlevé, changé son intelligence à cet instant. Il est devenu la bête. Une seule parole prononcée. Il peut marcher comme ça. Les sujets sont là comme ça. Oui, oui, sa majesté. Oui, son excellence. Oui, son excellence. Oui. En faisant comme ça, Dieu te frappe. Lorsque vous voyez quelqu'un, vous êtes serviteur de Dieu, comme vous êtes là. Vous êtes serviteur de quelqu'un qui vous dit, oh, quand tu prêchais le toujours, je crois que c'est Dieu qui parlait devant moi. Je te vois comme Dieu. Fais attention, dis que c'est la dernière fois. Je dis, non, Dieu, oui. Sache que Dieu est comme moi. J'ai la face de Dieu. Tu mets ta main sur la peau, tu es sur la sellette. On va te chicoter, vous allez voir. Donc faites attention à ce genre de choses-ci. Souvenez dans le livre d'Exode, là, quoi, des apôtres, quand Hérode était assis là. Quand il a parlé, le peuple a dit, wesh, voix d'un Dieu. On a jamais vu de Dieu, vous avez dit, n'est-ce pas? Quand il a fait ça, n'est-ce pas? Il a accepté la gloire là, non? Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Un ange l'a frappé. Ça, c'est ce que la Bible déclare. La Bible déclare ce qui s'est passé véritablement sur le plan spirituel. C'est un ange qui l'a frappé. Allez maintenant lire la science, c'est que c'est ce qu'on lui dit. C'était la rupture d'anévrisme. Il a eu un crise cardiaque, un arrêt cardiaque subitement. Alors faisons attention. Laissons Dieu être Dieu. Faisons lui seulement confiance parce que tout ce que vous pouvez faire humainement pour résoudre le problème spirituel, vous ne pourrez rien. Si vous êtes là humainement à essayer de faire comme si vous pouvez résoudre les problèmes d'ordre spirituel, c'est exactement comme si vous pouvez pousser un immeuble comme ça pour que ça déplace de votre terrain. Vous n'arriverez jamais. Vous n'arriverez pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser tout entre les mains du Seigneur. Il est un secours, un refuge, un appui qui ne manque jamais dans le temps de la détresse. Alors la Bible déclare ici dans ses volets suivants, il dit que c'est pourquoi, à cause de cela. C'est pourquoi, avec ces espérances-ci, nous sommes sans crainte quand même la terre sera bouleversée. Alors, je pose la question. S'il y a des mauvaises nouvelles qui viennent sur la terre, elles sont même sur la terre globale, dans votre famille, quand des mauvaises nouvelles sont signalées, quel est l'état de ton cœur? Les mauvaises nouvelles peuvent sortir de n'importe où. Ça peut sortir de n'importe où. Prie pour les parents cette fois-ci, les parents. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand les mauvaises nouvelles viennent, comme les vagues de la mer, vous pouvez tenir, si c'est les mauvaises nouvelles qui viennent au fur et à mesure, la mort. Frère Junior, chasse l'esprit de mort dans notre famille. Comme ça part dans l'autre famille de quelqu'un, n'est-ce pas? Pourquoi? Je veux comprendre pourquoi tu es mort. Pourquoi elle? Bon, on dit que c'était toi alors. Tu fais quoi? C'est vrai qu'il y a des femmes là qui pleurent. Oh, laisse-moi, je vais mourir. Chérie, tu pars, tu me laisses avec qui? Chérie, tu pars, tu me laisses avec qui? Laissez-moi, je vais aller. Comment allez dans les entraînements, vous allez rire. Vous savez, il vient comme ça, mais seulement mes veines noires, il rit jusqu'à ma femme vient. Oh, oh, ne me laissez pas, laissez-moi. On met la première terre. Ils ont mis la terre, il est en terre. On met la deuxième couche de pioche. Ne fermez pas. Laissez-la voir. Laissez-la. Il dit bien que si elle fait comme ça la prochaine fois, hein, il dit laissez-la. Entre là-bas, on est en terre. Vas-y, ne m'attendez pas. Ne m'attendez pas. Chacun son jeu, c'est venu, c'est la terre avec lui.